qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. 1000 km de parcours et 2000 ans d'histoire, c'est le plus grand fleuve de France que Franck Ferrand a choisi d'évoquer aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. La Loire, puisqu'il faut l'appeler par son nom, fait la matière foisonnante d'une superbe édition du Dictionnaire amoureux. Vous savez, cette collection à laquelle j'ai eu l'honneur de participer. Ce dictionnaire amoureux de la Loire est signé Daniel Salnave et l'académicienne est notre invitée cet après-midi pour évoquer l'esprit ligérien. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Louise sur les expressions en rapport avec les légumes de nos potagers. Oui, la fin des haricots, les carottes sont cuites. Enfin, finalement, tout ça ne nous éloigne pas tellement de l'esprit de la Loire. Je songe notamment, vous savez, à tous ces petits jardins maraîchers qu'on voit depuis le train lorsqu'on a la chance de parcourir la Touraine. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La Loire n'est pas seulement un fleuve, c'est une culture. C'est un art de vivre, c'est un état d'esprit que Daniel Salnave décrit à merveille dans son dictionnaire amoureux. Il faut se figurer, vous savez, ces lumières miroitantes, ce ciel à peine rehaussé de petits nuages, la douceur de l'air. Tout ça donne à ce fleuve, à ses rives, à ses coteaux, à ses petits ports parfois très anciens, un caractère suave qui s'incarne dans la prose d'un Rabelais ou d'un Balzac. Un verre de Vouvray, quelques fraises à la crème, le chant des bateliers qui résonne sous les voûtes d'une maison troglodytique. Voici la Loire des rois et des ménestrels, des tapissiers de haute et basse lisse, des mariniers, des pèlerins, des cavistes. Jean Carmet, c'est pas parce que je parle de caviste que l'image de Jean Carmet me saute immédiatement à l'esprit. Jean Carmet expliquait, c'était chez Thierry Ardisson, je me rappelle, c'était il y a déjà un quart de siècle de cela. Et il expliquait qu'il avait toujours un tire-bouchon sur lui et qu'un chenin avec de bonnes rillettes est un vin du matin. Ce que vous confirmeront les organisateurs du Salon du Livre et du Vin de Saumur, par exemple, qui sont quand même capables de vous faire boire un Saumur Champigny à 9h du matin en guise de petit déjeuner. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de renouer avec la bonne habitude que nous avions prise, je crois que c'était en 2005 et en 2006, d'aller pendant les étés d'Europe 1 survoler nos belles régions de France. Nous étions alors tantôt en avion, en hélicoptère, que sais-je. Aujourd'hui, c'est un dirigeable que j'ai choisi pour vous parce qu'il me semble que c'est le moyen le plus silencieux, le plus doux de survoler ce fleuve. Et le mieux, c'est d'aller le prendre à sa source, ce fleuve, évidemment. Nous commençons par un lieu déserté, une solitude en quelque sorte. La source du fleuve se trouve au pied d'une petite montagne de lave volcanique, une bosse en vérité, le mont Gerbier de Jonc. On apprenait ça à l'école, vous savez, la Loire prend sa source au mont Gerbier de Jonc. Alors où est-elle cette source? Eh bien, pour tout vous dire, les géographes ne sont pas tout à fait d'accord sur la question. C'est une multitude de petits ruisseaux, nous dit Daniel Salnave, qui se rejoignent progressivement. Une nappe phréatique placée sous le mont Gerbier de Jonc donne en effet naissance à au moins trois ruisseaux qui sont considérés comme étant les sources possibles du fleuve. Alors il y a la source dite géographique que l'on peut voir physiquement dans un bac de pierre à l'intérieur d'une vieille grange tout à fait dans le style de cette région d'Ardèche. Vous avez la source dite authentique. Alors c'est ce monument qui a été érigé en 1938 par le Touring Club de France, qui est censé marquer le point de départ en quelque sorte de notre course. Et puis la source dite véritable. Alors vous avouerez, géographique, authentique, véritable, il faut s'y retrouver dans tout ça. Cette source véritable, elle est sur le plan cadastral 87, nous dit Daniel Salnave. Elle sort de terre dans un pré et coule sous une lauze qui porte l'inscription Ici commence ma course vers l'océan. C'est tout notre programme d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Il faut bien comprendre que cette multitude de ruisseaux ne donne somme toute qu'un gros ruisseau. Pour l'instant, la Loire, au débit assez rapide, ne va recevoir son premier affluent qui s'appelle l'Aigle Nègre, qui est d'ailleurs plus long qu'elle depuis sa source. Elle ne le reçoit que quelques centaines de mètres plus loin. Et pour l'instant, c'est un tout petit fleuve qui coule vers le sud-ouest. Et puis soudain, le voilà qui bifurque, qui tourne vers le nord pour remonter sur le flanc oriental du Massif Central. Ce qu'on a bien sous les yeux, ce sont des gorges avec de petits bassins successifs jusqu'à la plaine du Puy. Je vous ai dit qu'on était en dirigeable, donc on voit les choses d'un peu haut, forcément. On aperçoit le bourg fortifié d'Arlande, au sommet, les ruines romantiques de son château, de son vieux fort. On aimerait évidemment avoir le temps de s'arrêter pour entrer dans la petite église romane avec son beau portail à colonnettes et son clocher peigne. Ce qu'on appelle un clocher peigne, c'est une sorte de clocher pignon, vous savez, comme un mur qui est percé d'arceaux dans lesquels figurent les cloches alignées, si vous voulez, l'une à côté de l'autre. La première grande ville que nous allons trouver sur le cours de notre petit fleuve, il a quand même eu le temps de se grossir de pas mal d'affluents, c'est évidemment le Puy, avec son incroyable paysage hérissé de rochers, ses deux aiguilles volcaniques, vous savez, les rochers Corneille et de Franc. Alors le premier s'appelle le rocher Corneille, avec la statue de Notre-Dame de France, immense statue, elle fait 16 mètres de haut, elle est en bronze, et figurez-vous que le bronze en question, c'est le bronze qui a été pris au canon de Sébastopol sous le Second Empire. Et puis l'autre grand rocher qui domine comme ça ce paysage étrange du Puy, c'est le rocher Saint-Michel. Superbe ville que celle du Puy, avec une histoire étonnante, totalement liée au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, évidemment. Et nous continuons, nous, à suivre, cette fois vers le nord-est, cette Loire qui, à partir de là, est considérée comme navigable. Mais de nos jours, on ne trouve que très peu d'embarcations avant Roanne. Entre le Puy et Saint-Étienne, ce sont de nouvelles gorges nettement plus importantes. Au passage, notre œil accroche à Chamalières-sur-Loire une charmante église, romane elle aussi, avec ses petites échauguettes. On passe à Retournac. Et là, sur notre droite, nous laissons donc Saint-Étienne. Je n'insisterai pas sur Saint-Étienne, on lui a déjà consacré pas mal de temps au cours de cette émission spéciale que nous avions faite à bord du train européen des municipales. Spectaculaire quand même, Saint-Étienne vu du ciel, avec ce plan très géométrique, vous savez, un peu à la romaine d'une certaine manière. Et puis, nous continuons plein nord pour suivre notre ruban vert, notre ruban miroir, en direction du nord. Pour tout vous dire, nous suivons là l'autoroute 72 qui, à ce stade, suit le cours de la Loire. Et au passage, nous apercevons une maison que j'aime toujours citer à ce micro, parce que c'est à mon avis une des plus belles, une des plus charmantes maisons de France. C'est Saint-Marcel de Félines, avec, vous savez, ses extraordinaire boiserie peinte, c'est tout à fait magnifique. Nous arrivons à Roanne, capitale gastronomique. On connaît le restaurant des frères Troisgros en face de la gare. Il faudrait citer Ferdinand Point, il faudrait parler d'Alexandre Dumaine, etc. Tout ça nous met en appétit. Et voici, on peut dire, la porte de la plaine de Loire que nous allons maintenant parcourir. Il y a une merveille en vue. Il faut contempler l'architecture néoclassique de Saint-Aubin-sur-Loire avec son... Vous savez, il y a un avant-corps. Le château présente un avant-corps avec des colonnes, un grand fronton. Enfin, tout ça est assez spectaculaire. Et puis, nous arriverons, j'avance quand même à grands pas, mais c'est l'avantage du dirigeable, c'est qu'on peut aller très vite. Nous arrivons à Nevers. Le confluent de la Loire et de la Nièvre n'est pas visible. En fait, il est caché, il est enterré sous la chaussée. Nevers, très vieille et superbe ville. Vieille ville à clochers qui se mirent dans les eaux. Mais surtout, port fluvial. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant longtemps, c'est d'ici, c'est de Nevers que partaient toutes sortes de convois en direction du Val de Loire. Daniel Salnave évoque à propos de Nevers le film du regretté Alain René, Hiroshima mon amour, tiré de Marguerite Duras. Nous lui demanderons tout à l'heure pourquoi, évidemment. Le palais ducal de Nevers est un des premiers châteaux de la Loire, écrit-elle. Sa façade est étonnante, vue de la grande pelouse sur laquelle elle semble posée comme un grand jouet ou un décor de théâtre. Thank you. Anna, un extrait de la Moldau dirigée par James Levin. Nous continuons notre balade en dirigeable au-dessus de la Loire avec vous, Franck Ferrand. Alors, nous avons quitté Nevers. La Moldau, c'est un tout autre fleuve. Hein. Ça nous entraînerait tout ça du côté de Prague. Mais en vérité, il y a, je trouve, dans cette musique de Smetana, le côté assez puissant et en même temps assez tranquille qui caractérise la Loire. Nous remontons maintenant vers le nord-ouest en direction de la Charité-sur-Loire, autre grande étape des pèlerins de Saint-Jacques, avec, vous savez, à la Charité, cette promenade des remparts absolument magnifique. On est là aux limites du duché de Bourgogne et de ce qui autrefois était le domaine de la couronne de France. Et nous arrivons à Briare. Alors, je dis nous arrivons à Briare, évidemment, en voiture, ça prend un certain temps, tout ça. Mais en vu du ciel, ça, on peut aller assez vite. Ici, la Loire va obliquer brusquement vers l'ouest. Dès le XVIe siècle, on a pensé à relier par un canal les eaux de la Loire à celles du Loing, qui est un affluent de la Seine, ce qui permettait donc de relier tout simplement la Loire à la Seine. C'est un grand, magnifique projet. Seulement, il fallait franchir 45 mètres de dénivelé entre les deux bassins. Et ça a supposé un extraordinaire escalier d'écluse. Les bateaux pourront passer à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Ils pourront passer du bassin de la Loire à celui de la Seine. Et surtout, merveille des merveilles, il faut s'arrêter devant cet ouvrage célèbre qu'est le pont-canal de Briare, construit à la Belle Époque. Et en 1890, 662 mètres de voies d'eau qui traversent le fleuve comme pourrait le faire un pont. Vous avez les péniches qui passent les unes sur les autres, si je puis dire. Nous sommes bientôt à Gien, ville de la faïence du même nom, très jolie cité ligérienne. Gien dominée par son château de briques à clocheton. On est déjà dans le paysage, dans l'atmosphère que l'on va retrouver à Beaugency, à Orléans, à Blois, avec ce pont magnifique qui a été reconstruit en 1734, restauré après la guerre. Il n'y a pas tant de ponts que cela sur la Loire, vous savez. Évidemment, chacun a sa personnalité, chacun laisse son empreinte. Il y en aura du reste de moins en moins à mesure que le fleuve va s'élargir, se renforcer, se peupler des fameux bancs de sable qui ont fait sa somptueuse et dangereuse réputation. Un mot du château de Sully, propriété de la famille du grand ministre d'Henri IV jusqu'en 1962. Vous savez, nous avons eu l'occasion d'en parler ici. C'est le Conseil général qui a rendu sa splendeur à Sully avec ses magnifiques tours à poivrières en ardoise. En ce moment s'y déroule et jusqu'au 1er juin, le festival de Sully et du Loiret. Il y aurait d'ailleurs un très grand nombre d'événements culturels à citer au cours de cette promenade au fil de la Loire, car le moins qu'on puisse dire est que c'est une région, enfin, ce sont des régions que traverse ce fleuve, des régions très actives culturellement, et comme plus nous approchons du Val de Loire à proprement parler, plus les sites touristiques se multiplient. Évidemment, c'est une région extrêmement riche du point de vue de toutes sortes d'événements. En 1985, le gel a été si fort que les câbles du pont à Sully ont cédé. Il a fallu faire un pont tout neuf. À partir de là, on est donc, vous avez bien compris, que nous voguons, si je puis dire, ou nous volons de plus en plus vers l'ouest. On va passer par Saint-Benoît-sur-Loire, dont la célèbre abbatiale est un pur chef-d'œuvre de l'art roman, nous dit Daniel Salnave. Les chapiteaux de la nef forment un décor sculpté exemplaire, peut-être unique de l'art du XIIe siècle. Et c'est vrai que ces chapiteaux de Saint-Benoît, c'est peut-être une des plus belles choses qu'on puisse voir. Ancienne abbaye très brillante, avec des bénédictins qui se sont réinstallés là à la Libération, du reste, dans les anciens bâtiments monastiques. Il faut aller assister aux offices en grégorien, tout ça est magnifique. On laisse un petit peu de côté Germigny-des-Prés, hein, qui est cette extraordinaire chapelle, église, comment dire, d'époque carolingienne, avec l'une des plus anciennes mosaïques connues du Moyen-Âge, cette mosaïque de l'Arche d'Alliance, qui date de l'époque carolingienne, absolument extraordinaire. Alors, la route qui, sur la rive droite, entre le ruban vif de la Loire et le ruban mort de la Nationale 60, longe le fleuve, c'est la D952 qui nous mène directement à la porte orientale d'Orléans, bien connue d'une certaine Jeanne d'Arc. Vu du ciel, Orléans apparaît dans une position très remarquable par rapport au cours du fleuve, puisqu'on est là à l'extrême limite nord de la courbe que fait la Loire, voyez. Et on comprend la position stratégique d'Orléans. Il faut pas oublier le rôle essentiel qu'a toujours eu la Loire, un rôle de partage en quelque sorte. Vous avez la France du Nord et la France du Sud d'une certaine manière. Le nord de la Loire et le sud de la Loire. Et ce seuil, ce passage ne s'incarne nulle part plus de façon plus spectaculaire qu'à Orléans même. Orléans qui est en quelque sorte le point de passage, si vous voulez. Alors les fêtes de Jeanne d'Arc ont eu lieu il y a une quinzaine de jours, présidées cette année par mon ami Stéphane Bern. Ce sont de grandes réjouissances populaires, tout à fait extraordinaires d'ailleurs. Il y a à Orléans des monuments majeurs, à commencer par cette monumentale, gigantesque cathédrale qui a l'air d'être gothique, enfin elle est de style gothique, mais elle est d'époque 18e pour l'essentiel. Il y a ces bords de Loire magnifiques, et puis les quartiers, alors donc de Sainte-Croix, le quartier de la cathédrale, le quartier du Martroi, de Saint-Paul, de Bourgogne, etc. Quand on parle d'Orléans, n'oublions jamais les fleurs. Les roses, les roseraies d'Orléans sont réputées, et notamment le parc floral de la Source, qui est, on l'appelle ainsi parce que c'est la source du Loiret, hein, qui est elle-même une résurgence de la Loire d'ailleurs. Le Loiret lui-même est une résurgence de la Loire. Ce parc floral est absolument indispensable, il faut le visiter, il est somptueux. Alors, après Meung-sur-Loire, en direction de la jolie cité de Beaugency, avec son superbe pont qu'on a surnommé le pont du diable, on trouve un peu en retrait, dans sa belle forêt giboyeuse de la rive gauche, le domaine national de Chambord. Vous me permettrez de passer un peu vite sur Chambord pour m'attarder à un autre domaine, plus privé, plus intime, celui de Madame de Pompadour à Ménard. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la Loire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à notre belle balade au-dessus de la Loire. Alors, je vous disais que nous nous arrêterions un moment à Ménard, très jolie maison de Madame de Pompadour, avec ses grandes terrasses qui avaient été conçues par son architecte préféré, l'Assurance, et qui donne une vision extraordinaire sur l'ensemble de ce pays du Blaisois. La maison, aujourd'hui, est totalement privée, ça ne se visite malheureusement pas, mais il y reste quelques vestiges de la marquise qui nous a quittés il y a 250 ans. C'est pour ça que je me permets d'insister un peu. Vous savez que nous, on célèbre en ce moment le 250e anniversaire de la mort de Madame de Pompadour. À sa mort, du reste, c'est son frère, le marquis de Marigny, qui était le directeur des bâtiments du roi, une sorte de super ministre de la culture. C'est lui qui s'est installé à Ménard et qui a donné à Ménard l'extraordinaire développement qu'on a pu lui connaître. Alors, continuons vers Blois. J'ai très envie, d'ailleurs, de vous laisser la parole, chère Céline, puisque vous êtes, si je ne m'abuse, native de Blois. Tout à fait. Je suis une blaisoise d'origine. Voilà, je suis née à Blois. Vous avez connu, vous, l'odeur de chocolat? Non, vous êtes trop jeune pour ça. Oui, c'est chocolat Crépelin. Non, je l'ai connu, bien sûr. Je me rappelle quand on passait en train, moi, quand je faisais au tout début, quand j'étais étudiant et que je passais mon temps entre Paris et Poitiers, à chaque fois qu'on s'arrêtait à Blois, tout le monde ouvrait les vitres du train pour sentir le chocolat. J'ai visité quelques fois pour avoir les dégustations, figurez-vous. Eh oui, évidemment. Alors, cette ville est tout à fait extraordinaire. D'abord, c'est sans doute à Blois, c'est dans cette région, en tout cas du Blaisois, que la fameuse lumière du Val de Loire est le plus fine, hein. Elle est tout à fait, elle est saisissante même, on peut dire. Il y a cette douceur de vivre, cette douceur du Val de Loire dont parlent les poètes de la Renaissance, bien entendu. Il y a cette façade extraordinaire, ce qu'on appelle les loges de Blois, sur le château, hein, caressé par cette belle lumière. Et puis, évidemment, au-delà du château lui-même et d'un certain nombre de très beaux monuments, il y a à Blois une histoire passionnante. Je ne m'attarderai peut-être pas aujourd'hui sur Blois, mais ça me donne envie d'aller y faire une émission. On pourrait notamment parler de Robert Houdin, bien entendu. D'accord, mais entre autres. Alors, hein. Je vous cite quelques vers de Peggy, car nous sommes arrivés là vraiment dans le cœur même de ces châteaux de la Loire. Le long du coteau courbe et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs, écrivait Peggy. Et dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s'en vont par ses allées. 120 châteaux lui font une suite courtoise, plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais. Ils ont nom Valençay, Saint-Aignan et Langeais, Chenonceau et Chambord, Azay, Le Lude, Amboise. Et moi j'en connais un, de ces châteaux de Loire qui s'élèvent plus haut que le château de Blois, plus haut que la terrasse où le dernier Valois regardait le soleil se coucher dans sa gloire. La moulure est plus fine et l'arceau plus léger, la dentelle de pierre est plus noble et plus grave. La décence et l'honneur et la mort qui s'y grave ont inscrit leur histoire au cœur de ce verger. Si Gonzague Saint-Brice nous écoute, il aura pu redire en même temps que moi le poème, car je l'ai entendu le prononcer un certain nombre de fois, ce poème de Peggy. Nous lui faisons un clin d'œil, évidemment. Le pont Gabriel de Blois est immense, hein, 11 arches, l'un des plus grands ponts sur la Loire, tout à fait extraordinaire. Alors quand vous continuez un peu, notamment quand vous voyez tout ça du train, puisque je vous raconte ma vie après tout, vous apercevez un peu plus loin vers l'ouest le château de Chaumont-sur-Loire, qui a été le château de Catherine de Médicis avant de devenir celui de Diane de Poitiers. Les châteaux, on ne pourra pas tous les citer là, parce qu'il y en aurait une quantité. Il faut évidemment dire un mot d'Amboise. On se rappelle la terrible conjuration d'Amboise qui a marqué le tout début du règne de François II, hein, le début de la régence de Catherine de Médicis, avec cette espèce de boucherie, j'allais dire, tous ces conjurateurs qui ont été pendus. Non seulement au balcon, mais à toutes les proéminences de ce château d'Amboise, qui reste donc empreint d'une forme de magie sanguinolente. Il y a plus loin, quand on est à Amboise, il ne faut pas hésiter à aller à Chanteloup, l'ancien domaine de Choiseul. Alors il n'y a plus le château à Chanteloup, mais il y a toujours la sublime, célèbre pagode, bien entendu. Alors nous avançons toujours plus à l'ouest, comme le professeur Tournesol, et nous arrivons à Tours, bien entendu, avec son pont Wilson, reconstruit je ne sais combien de fois. Un peu plus loin, vous avez un village qui m'est très cher, Saint-Mars-la-Pile, le château de Langeais, bien entendu, et puis les châteaux d'Ussé, de Montsoreau, de Saumur, résidence altière de Yolande d'Aragon, le château d'Angers, qui abrite dans son logis royal aujourd'hui encore la sublime tapisserie de l'Apocalypse, bien entendu, et on avance comme ça, de plus en plus, dans ce qu'on appelle le Pays de Loire, hein, Grande, Saint-Florent-le-Vieil, on est presque à Nantes, où s'écarte, où s'élargit l'estuaire. L'estuaire de la Loire est une zone très vaste, nous dit Daniel Salnave, qui commence à Nantes, à 65 km de Saint-Nazaire. Elle est constituée de chenaux parsemés d'îles bordées de marais, la Brière, Guérande, avec ses vasières découvertes à chaque marée basse, des roselières, des prairies salées, inondées quelques jours par an. Bonjour Daniel Salnave. Le moins qu'on puisse dire est que j'ai été obligé d'accélérer le rythme sur la fin, mais si vous le voulez, nous allons faire le chemin inverse maintenant, repartir de l'estuaire et remonter la sublime Loire qui fait l'objet de votre dictionnaire amoureux. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de ce très beau fleuve qui est la Loire, avec vous Franck Ferrand et votre invité Daniel Salnave de l'Académie française, écrivain, auteur du Dictionnaire amoureux de la Loire aux éditions Plon. Et nous avons beaucoup de réactions de nos auditeurs. Alors, Franck, je vais vous proposer évidemment parmi cette floraison de messages quelques petites mentions. D'abord, Sonia est totalement d'accord avec vous pour ce qui est de Blois, une des villes les plus marquantes, nous dit-elle. Est-ce que nous allons parler, demande Sonia, des crues de la fin du 19e et du début du 20e siècle? Bien sûr que nous allons en dire un mot et avec Daniel Salnave dans un instant. Éviter que la Loire soit uniquement un fleuve de douceur, et c'est aussi voilà, un fleuve de violence. C'est un fleuve, oui, c'est un fleuve assez viril. D'ailleurs, vous vous posez la question du genre. Oui. Hein, est-il le Loire ou la Loire, d'une certaine manière? Tout simplement parce qu'on dit la Loire est capricieuse, elle est bien femme. Donc je trouve que c'est une équivalence que nous pouvons refuser. Et que les caprices de la Loire n'empêchent pas qu'elle est un fleuve à la fois femme certainement, mais aussi viril, majestueuse et majestueux. Catherine nous parle de ses beaux souvenirs lors de concours complets d'équitation organisés à Saint-Mathurin-sur-Loire, donc le long de la Loire même. Il faut dire que toutes ces communes de la Loire savent tirer parti du fleuve et en faire souvent, au-delà d'un décor, un véritable élément de relief pour les manifestations qui s'y déroulent. Joël nous raconte une très jolie anecdote. Elle nous dit que dans les années 30, une élève de Haute-Loire va passer son certificat d'études et parmi les questions de géographie, il y a « Où la Loire prend-elle sa source ?» Et l'élève en question répond « dans la grange de ma grand-mère, ce qui a un petit peu évidemment énervé le correcteur dans un premier temps. Mais c'était vrai, figurez-vous, puisque la grand-mère de cette jeune fille était effectivement la propriétaire de la grange dont nous avons parlé tout à l'heure. Je trouve ça assez amusant, mais c'est très joli. Et puis, Pascal Jean nous pose une question, et vous la pose plutôt, Daniel Salnave. Pourquoi, demande-t-il, la Loire s'appelle-t-elle la Loire et non pas l'Allier, dont la source est plus au sud? Est-ce une question de débit, une question historique? Quelle est la raison de... Pourquoi est-ce qu'on dit que finalement c'est la Loire qui se jette à Saint-Nazaire et non pas l'Allier? Certains disent que c'est l'Allier d'ailleurs. Hein. Certains tiennent bon. on dispute sur cette question depuis des siècles. Oui. Et peut-être l'ultime preuve est à la portée par les saumons qui, dans leur remontée reproductive, choisissent sans erreur le cours du fleuve principal. Exactement. J'ai appelé ceci la preuve par le saumon. Bravo. Mais ça ne suffit peut-être pas tout à fait. Votre dictionnaire est d'une richesse extraordinaire. Vous y abordez toutes sortes de questions, non seulement géographiques comme nous venons de le faire, ou géologiques, mais aussi des questions tout à fait culturelles, des questions historiques qui nous sont chères dans cette émission, vous l'imaginez bien, des questions quasiment ethnographiques d'une certaine manière. Y a-t-il un peuple de la Loire, Daniel Salnave ? Il y a certainement un peuple de la Loire, et ce peuple se définit non pas par quelque obscure origine ethnique, je ne pense pas, mais il y a beaucoup d'apports le long de la Loire. Il y a tous ceux qui sont venus s'y installer, y travailler, y faire le commerce du vin. Depuis les Gaulois adoraient le vin et ils ne savaient pas le planter. C'est les Romains qui leur ont appris et eux ont commencé à le vendre ensuite dans l'époque gallo-romaine. Donc, bon. Mais il y a un peuple de la Loire parce que c'est un peuple qui est marqué par la terre, le ciel, la manière d'y vivre. Et le vin qui, d'une grande partie de la Loire, dès qu'on a quitté le petit jouvenceau de fleuve et qu'on aborde, avant même qu'elle tourne vers l'ouest, déjà à être un fleuve qui va s'entourer de vignobles, grâce à l'Église, car l'Église avait besoin du vin et les moines en ont planté tout le long. Je disais que cette Loire marquait la différence, d'abord pendant très longtemps, entre pays de Languedoc et les pays de Languedoc, entre le nord et le sud de la France, en quelque sorte. Aujourd'hui encore, d'un point de vue météorologique, nos auditeurs sont habitués à ce qu'on se serve de la Loire. On dit toujours au nord de la Loire, au sud de la Loire. C'est très fréquent. Mais oui, c'est au point qu'on croit même que la ligne de démarcation qui séparait la zone nord de la zone sud, c'est la Loire. Non, c'est pas la Loire. Il y a des points qui sont sur la Loire. C'est pas la Loire. Beaucoup le pensent, parce qu'au fond, quand l'armée française a été battue, en juin 40, traverser la Loire pour aller de l'autre côté, c'était en effet se protéger de cette avance foudroyante. Mais traverser la Loire a toujours été de toute façon un problème du fait de sa largeur, bien entendu, du fait de son impétuosité. Vous avez bien fait de le souligner dès le début de cet échange, parce qu'en fait, la Loire ne se laisse pas faire, évidemment. Hein. Et puis alors, il y a ces bancs de sable plus ou moins mouvants, bien entendu, qui n'aident pas les choses. Qui la rend dangereuse. Les premiers passages se sont faits sur des gays, comme partout. Puis ensuite, sur des ponts de bois. On retrouve, dès que la Loire est très basse, on retrouve des pieux, parfois extrêmement anciens, qui datent peut-être de la fin du Moyen-Âge, qui se sont conservés dans la roche. Bon, mais la Loire est dangereuse, parce que ces sables sont souvent des sables mouvants. On raconte des histoires affreuses d'une colonie de vacances entière qui s'est noyée quelque part en amont, en danger. Donc, quand nous étions enfants, l'interdit suprême était, tu peux aller au bord de la Loire, mais tu ne t'approches pas. Et surtout, tu ne te baignes pas. Oui. On n'apprenait pas à nager dans la Loire. Moi qui ai aussi une petite partie de ma famille ligérienne, je sais que cette Loire fait un peu peur dans les familles. Il y a à la fois de l'admiration et une forme de respect craintif envers un fleuve dangereux pour les enfants notamment. Oui, parce notamment. Que c'est en même temps, c'est comme si on vivait auprès d'un grand animal ou d'un dieu qui se serait installé là et qui est sujet à des colères et tout d'un coup disparaît. L'été, le grand jeu quand nous étions enfants, accompagnés de nos parents, c'était de franchir un minuscule ruisseau où nos pères nous disaient, allez vas-y, saute, tu franchis la Loire. Et comme pendant l'hiver d'avant, elle avait 3 km de large, on aimait beaucoup ça. Traverser la Loire n'est pas une mince affaire, écrivez-vous à l'article BAC. La vue de cette vaste étendue striée de bandes de sable aux contours changeants, creusée de tourbillons où flottent des bouchons d'écumes et des branches, intimide les plus résolus. Une barque peut s'y risquer, mais si le courant est fort, elle devra renoncer. On a donc sûrement cherché très tôt des passages à gué, ce qui fut à l'origine de nombreuses villes comme Roanne, La Charité-sur-Loire, etc. Et puis ensuite, on a donc inventé le fameux bac. Il y en a eu un certain nombre. Alors, il y a eu beaucoup de bacs pour traverser la Loire, et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où les ponts avaient été détruits avant, au début de la guerre, pour retarder l'avance allemande, et à la fin de la guerre, par l'aviation alliée, il a fallu traverser de nouveau la Loire sur des bacs. Nous allons, si vous le voulez, et c'est ce que j'ai promis à nos auditeurs, repartir cette fois de l'estuaire. Alors je suis passé très vite. Il faut vous dire qu'on a fait il y a quelques semaines maintenant une émission en direct de Saint-Nazaire. Donc nous avons parlé de Saint-Nazaire à nos auditeurs, plutôt du point de vue du chantier naval et des grands transatlantiques. Mais enfin tout de même, on a évoqué un peu cette ville. En face, c'est Saint-Brévin-les-Pins. L'estuaire est très large à cet endroit. C'est extrêmement large. Mais le premier chantier naval de l'histoire, c'est Jules César qui a fait construire une flotte à l'endroit où sont les chantiers de Saint-Nazaire. C'est extraordinaire. Hein. C'est cette superposition, ces couches d'histoire qu'on peut, à chaque pas, on peut soulever. Et je crois que ça, c'est enchanteur tout le long de la Loire. Il y a un auteur qu'on ne pouvait pas ignorer, c'est Gracq, bien entendu, qui est l'auteur de cette région, si je puis dire. Et vous le citez à propos de la dangerosité des grèves, justement, hein, ces espèces de plages dangereuses de la Loire. La grève émergée, hercée en tout sens par les courants et les remous pendant l'hiver, est comme un graphique étalé au plein jour du jeu complexe et puissant des muscles du grand fleuve, écrivait-il. Les de vases fines, craquelés au grand soleil comme les limons du Nil, crêtes rudes et écailleuses de gros graviers et de cailloutis qui se sont tordus avec un mouvement de mèche de fouet dans le fil plus violent du courant, sable fin des versants abrités, doux comme celui d'une dune. La force et la douceur. La force toujours. Et la douceur, et on aimerait en même temps suggérer l'extraordinaire gamme des odeurs. Pour tout le monde, l'odeur de vase est une odeur ignoble. Mais c'est, en réalité, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une odeur d'humidité, de végétaux, d'eau, de poissons, mais de poissons frais, d'écailles de poissons. Et cette odeur change selon les moments du jour, quand le fleuve est frappé par le soleil, ou à la tombée de la nuit, où vraiment monte du fleuve un effluve vraiment inoubliable, qui a vraiment marqué l'enfance de ceux qui l'ont passé sur ses bords. Alors, parmi ceux qui ont passé leur enfance et même leur vie sur ces bords, il y a tous les Angevins. On est là dans l'Anjou, bien entendu. Il faut évoquer un certain nombre de grandes figures de l'histoire. J'ai dit un mot tout à l'heure de Yolande d'Aragon. Son fils, le roi René, a marqué les lieux, bien entendu. Et avant eux, un certain nombre de grands personnages aussi. Bien sûr. Oui. Vous savez, c'est drôle quand vous parlez de l'Anjou, parce que je suis une adversaire résolue de la suppression des départements auxquels je suis très attachée, et pourtant je ne dis jamais le Maine-et-Loire, je dis tout le temps l'Anjou. Parce que dans ces provinces, en Touraine, en Anjou, on continue de dire l'Anjou. L'Anjou a à peu près les mêmes frontières que le Maine-et-Loire, un petit peu plus grand, mais nous disons l'Anjou, nous ne disons pas le Maine-et-Loire. Ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes, vous, native d'Angers. Parce que je suis née près d'Angers. Alors Angers est la ville, en tout cas dans l'imaginaire collectif, c'est la ville des tapisseries, bien entendu. Extraordinaire tenture de l'Apocalypse dont vous parlez. Ah oui, entendu. Puis il y a une histoire incroyable, parce que ces tentures ont été perdues à un moment. Elles ont été découpées en morceaux et elles ont été vendues à des marchands, à des pépiniéristes pour protéger les melons, pour protéger les semis de melons. Et puis à la fin du 19e, un chanoine, c'est plein de chanoines formidables à Tours, à Orléans, à Angers, qui a retrouvé ces morceaux de tapisserie. Il les a tirés comme il pouvait au bord de la Loire, de la Maine, qui est le petit fleuve, au bord duquel, la rivière au bord duquel Angers s'est édifiée, et il les a lavés et fait sécher. Et petit à petit, on a reconstitué cette merveille qui est exposée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au château de Roi-René. C'est stupéfiant. Oui, c'est un univers à part entière. C'est tout à fait somptueux, des couleurs, des formes extraordinaires. On a fait une bêtise au départ, parce qu'on a fait des fenêtres trop grandes dans le logis qui les abritait. On a vu au bout de quelques années qu'elles commençaient à se décolorer. On a protégé maintenant. Oui, oui. Et on peut visiter à quelques encablures de là, de toute autre tapisserie, celles de Jean Lursat. Mais absolument, qui sont étonnantes et qui sont dans un endroit étonnant, l'hospice Saint-Jean, qui est un très très bel endroit sur la rive qu'on appelle la Doutre, de l'autre côté de la Maine. Et qui nous prouve que la Loire a encore beaucoup à faire, à inventer, à dire. Elle n'est pas seulement un fleuve du passé. Vous le montrez bien, ça, du reste. Hein. Oui, elle n'est pas un fleuve du passé. Elle est un fleuve de l'histoire, mais de l'histoire encore vivante. Elle est aussi un fleuve, et ça me touche beaucoup, de la grande invention à la fois technique et industrielle. Après tout, vous avez parlé tout à l'heure du canal de Briare. Mais c'est Sully et Henri IV qui le voulaient. Et déjà, François Ier avait des projets sur la Loire. Il a fallu 5 siècles pour y arriver. Il a fallu 5 siècles, mais ça a commencé très tôt. Et l'aventure industrielle se prolonge de siècle en siècle. Madame de Sévigné va visiter des forges à Cosne-sur-Loire, là où François Ier voulait qu'on fasse de l'industrie pour équiper ses soldats qui vont aller se battre en Italie. Et puis ensuite, il y a l'aventure industrielle. Vous avez parlé du chocolat Poulain. Parce que la Loire, on peut la remonter. pouvaient la remonter les bateaux à voile, ensuite les inexplosibles, les fameux bateaux à vapeur, qui apportaient le cacao des Antilles et voilà jusqu'à pourquoi. Blois. Mais oui. Et on a le chanvre à Angers et on a les petits lus à Nantes. On a une magnifique, magnifique invention industrielle du 19e siècle. Très brillant, très très brillant. Je suis très heureux de cette émission sur la Loire qui nous fait revivre et qui nous fait toucher du doigt toutes les richesses de notre patrimoine. Oui, nous avons tous commencé le petit lu en nous demandant est-ce qu'on mange d'abord les oui, coins ou est-ce qu'on passe directement au corps du sujet. Daniel Salnave est donc l'auteur du dictionnaire amoureux de la Loire, évidemment chez Plon. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Sur Europe 1, un extrait du Cygne dirigé par Aldo Ciccolini. Nous revenons à la Loire avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Daniel Salnave, de l'Académie française, écrivain, auteur du dictionnaire amoureux de la Loire aux éditions Plon. Alors, Daniel Salnave, il faut que nous parlions un peu d'histoire, de guerre, de château, bien entendu, etc. Mais peut-être avant tout de douceur, encore une fois, de finesse. Il se passe dans ce Val de Loire quelque chose d'un peu étonnant. Ça fait penser au vers de Dubellay dans Les Regrets. Hein. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin et plus que l'air marin. La douceur angevine, cette douceur, c'est ce qui a attiré finalement tant d'envahisseurs sur ce cours de la Loire. C'est un climat tout à fait particulier sur le plan. La Loire y joue un rôle extrêmement important dans ce climat. Un rôle de régulateur. Elle était un régulateur et René Bazin, le grand-oncle oui. d'Hervé Bazin, qui d'ailleurs il y a un siècle occupait le 30e fauteuil qui est le mien actuellement à l'Académie. René Bazin dit la Loire qui fait entrer la mer jusqu'au cœur de la France. C'est une très belle phrase parce que en faisant entrer la mer jusqu'au cœur de la France, eh bien elle fait entrer de l'air marin qui contribue à cette lumière, à cette douceur et à cet équilibre climatique. Dans le jardin de mes parents, il y avait pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un hiver de l'année 55-56, extrêmement rigoureux, les détruise, il y avait un mimosa. Et il n'y a pas beaucoup de mimosa dans le cœur de la France, sinon sous l'influence de cette air. Mais cette douceur angevine, elle est conquise sur une violence. Et c'est pour ça que je l'aime particulièrement. Elle n'est pas la négation ou l'absence de tout conflit, elle est la manière de surmonter ces conflits, parce qu'il y a un art de vivre qui s'impose par-delà ces conflits. La guerre... L'invasion romaine, la conquête romaine, la guerre de Cent Ans, l'épopée de Jeanne d'Arc, la réforme, la Renaissance, qui est une chose admirable. C'est bien qui va le creuset, sombrer, là. Voilà, qui est un, c'est le creuset de la Renaissance, c'est pas de la mer qui dans arrive, les guerres c'est l'Italie. Ensuite, mais oui. La mer arrive par la gauche et l'Italie par la droite, excusez du peu quand même. Tout ça crée la Renaissance. Mais la Renaissance sombre, elle sombre dans l'horreur des guerres de religion. Orléans, c'est la grande capitale protestante, Saumur encore plus. Horreur des guerres de religion. Après les guerres de religion, continuons. Nous en aurons d'autres. Nous aurons la guerre de Vendée qui va ensangloter toute la partie la plus occidentale de la Loire et puis la guerre, la deuxième guerre mondiale. Donc ce sont des guerres violentes où la France à la fois se divise et se constitue. Nous sommes faits de ça. Mais aujourd'hui, on le sait bien encore, nous sommes faits de ça. Mais faits aussi de cette manière de le surmonter dans un art de vivre. Et ça, c'est exceptionnel. Et si la Loire a permis cette rencontre entre des influences diverses, et notamment entre cette mer qui arrive, comme vous le dites, de l'Ouest, et puis cette Italie qui remonte du Sud et de l'Est, c'est parce que, ne l'oublions pas, la Loire a longtemps été un fleuve avant tout navigable. La batellerie est essentielle pour Mais en comprendre l'histoire. Évidemment, c'est un fleuve navigable qu'on peut descendre assez tôt, et avec toutes ces histoires fantastiquement intéressantes de ces constructions de bateaux qui sont des merveilles d'ingéniosité, ces bateaux aussi qui descendent la Loire mais ne la remonteront pas. On les déchire et on les vend comme bois de chauffage. Et puis, petit à petit, il y a ce grand train qui remonte la Loire. Même Charles d'Orléans, ce merveilleux poète que tout le monde aime, eh bien parle de ces voiles qui cinglent devant lui, parce qu'elles remontent la Loire, les voiles, assez loin dans son cours. Et puis plus tard, bien évidemment, les bateaux à vapeur, avant que le chemin de fer détruise tout cela. Eh oui, c'est le chemin de fer qui a, évidemment... Finalement, le chemin de fer est pour la Loire le début d'une forme de relégation, d'une certaine manière. Oui, ne serait-ce que parce qu'on la désensable moins. Par exemple, à partir de la limite du Val-de-Loire, qui est Chalonne-sur-Loire, on ne désensable plus. Et on s'expose à de grands mécomptes. Il est possible que la Loire explose en myriades de petits fleuves ensablés avant de se jeter dans la mer. Vous pensez que ça finira par arriver? C'est une possibilité? Nous verrons bien dans quelques millénaires, peut-être avant. Alors, j'ai parlé d'ardoise fine, c'est un des matériaux emblématiques de cette vallée de la Loire, mais il y a bien entendu la pierre calcaire extraordinaire qu'on appelle le tuffeau. Arraché à ses conditions naturelles, écrivez-vous, le tuffeau voit ses caractéristiques se modifier, entre autres, il subit une importante perte en eau. C'est ce qui en fait une pierre architecturale par excellence, de couleur souvent grise quand il est imprégné de son eau de carrière. Le tuffeau qui durcit à l'air en séchant acquiert en même temps une parfaite teinte blanche. Il va y avoir tout ce blanc manteau, si j'ose dire. D'églises et de châteaux. Ça m'a frappé quand Henry James, beaucoup plus simple, joyeux et agréable compagnon que parfois dans ses romans où il nous entraîne dans des méandres que j'aime beaucoup, mais parfois complexes. Torturé. Là, est enchanté, dit-il, parce que c'est comme un immense village semé d'abbayes et de châteaux qui va, en gros, d'Orléans jusqu'à la mer. Avec cette pierre blanche, ces constructions de toute taille, la plus humble maison de marinier est en tuffeau, et le grand château de Blois ou de Chenonceau est en tuffeau. Et tous sont couverts de cette admirable ardoise fine. Disons quand même avec tristesse qu'elles étaient produites près d'Angers, à Trélazé, et que les ardoisières de Trélazé ont fermé, définitivement. C'est une grande tristesse de le penser, parce qu'il y a un grand patrimoine là aussi, ouvrier, révolutionnaire même. Oui, ça fait partie de ces pertes irrémédiables, parce qu'on ne voit pas bien comment les ardoises reviendraient ensuite. Elles sont encore aujourd'hui partie intégrante du paysage. Elles sont partie intégrante du paysage. C'est là l'ardoise bleue, la pierre blanche, le château de Saumur, bien évidemment, qui jaillit de son rocher. J'étais souvent frappée de la ressemblance qu'il y avait entre le château et la fameuse miniature du duc de Berry qu'il représente. Absolument. Mais il est vrai que les architectes qui ont travaillé à sa restauration se sont inspirés de la miniature. C'est intéressant, je trouve, parce qu'ils ont joué avec cette miniature et du coup, on a quelque chose d'admirable. Finalement, le 19e siècle nous a restitué la miniature de Jean Berry. Je ne me lasse pas, je traverse un pont pour le voir de l'autre côté, puis je reviens, je me rapproche de lui. Mais il a d'ailleurs beaucoup souffert, ce château, il y a quelques années. Sa base, qui est quand même extrêmement fragile, a été vraiment bien restaurée, mais on a eu peur, oui. Alors, ces châteaux de la Loire continuent d'attirer chaque année des millions de visiteurs. Oui. C'est tout à fait extraordinaire. C'est le troisième site de France pour l'appel touristique, d'une certaine manière. Nous allons d'ailleurs, je le signale à nos auditeurs, consacrer le 11 juin prochain, mercredi 11 juin, une émission, un numéro de l'Ombre d'un doute à ces châteaux de la Loire. Et je me suis attaché notamment au destin des grandes dames de la Loire. Et l'émission est présentée depuis le château de Chambord. Quelle merveille, cette forêt de cheminées, cette invention pure, on est dans l'architecture quasi idéale à Chambord. Par certains côtés, oui. On a tout à fait l'impression, et d'ailleurs moi j'éprouve en le voyant un sentiment d'effroi, comme s'il y avait une sorte d'excès dans ces tourelles, cette forêt, cette chevelure, comme disait Chateaubriand, de toit, une sorte de folie. C'est une folie, Chambord. Il est construit un endroit où il n'y a pas d'eau, il va falloir détourner. On voulait détourner la Loire, c'est un peu compliqué pour l'époque, pour les techniques de l'époque, on va quand même détourner une petite rivière. Et François Ier est tellement dans ses folies qu'il était prêt à construire une autre folie à Romorantin. Elle n'a pas commencé, on a des dessins, on voit bien que ces châteaux sont des folies. Ce sont des folies. Et vous savez que Chambord, c'est le nom donné au plus grand, la plus grande quantité de produits fabriqués en France. Depuis la fameuse Chambord, la voiture du général de Gaulle, jusqu'à une marque de bière et même de cercueil qui s'appelle le Chambord. Tellement il est d'esprit renaissant, j'imagine. C'est prestigieux, en fait, oui. Alors ce Val de Loire s'impose aussi par son art de vivre, j'en ai parlé, par tous ces vins extraordinaires qui ont d'ailleurs de plus en plus de succès, il faut le dire, hein, sur les cartes des restaurants, peut-être parce qu'ils sont un peu moins coûteux que certains vins de Bourgogne et de Bordeaux, mais qu'ils sont aussi fins, aussi raffinés. Le grand gastronome Kurnonski, né à Angers, comparait un vin qui est récolté près d'Angers, dans un village qui s'appelle Savenières, le comparait au Grand Bourgogne, au Chablis, au Meursault. Et je crois qu'il le mérite. On m'accusera d'une certaine partialité, puisque c'est mon village natal, mais quand on a à parler d'un véritable fleuve de vin, qu'on doit parler des Quincy, des Sancerre, des Vouvray, dont Balzac buvait 4 bouteilles à son déjeuner, j'ai vérifié, la bouteille de l'époque faisait bien 75 centilitres. Bien. Mais enfin, c'était un géant à tout point de vue. Donc, quand on a parlé de tant de vins jusqu'au Sèvres-et-Maine, et bientôt on va arriver à l'estuaire de la Loire, eh bien, je me suis concentré sur ce vin de Savenières dont Kurnonski parle si bien. Et nous retrouvons Kurnonski dans votre dictionnaire à la lettre C, au chapitre à l'entrée cuisine. Vous consacrez à la gastronomie ligérienne des pages qui sont, c'est le cas de le dire, savoureuses, avec toutes sortes de spécialités. Quelques spécialités comme ça pour finir, Daniel Salnav. Oui, il y a quelques spécialités magnifiques, des poissons. Et puis à Angers, un dessert qui est très facile à faire. Et je peux communiquer la recette à qui me la demandera. C'est le crémet d'Anjou. C'est simple, c'est léger. Parce que souvent, les plats traditionnels ne sont pas réputés pour leur légèreté. C'est absolument léger. C'est une écume de parfums et comme celle de la Loire. On a l'impression d'y être. Merci beaucoup Daniel Salnav de l'Académie française. Dictionnaire amoureux de la Loire, c'est chez Plon. Sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Louise sur les expressions en rapport avec les légumes de nos potagers. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Louise. Elle nous l'a envoyée sur la page Facebook de l'émission. Elle aimerait connaître l'origine de ces expressions en rapport avec les légumes de nos potagers, comme la fin d'haricots. Oh, les carottes sont cuites, etc. Alors, ces deux expressions évoquent de façon ironique la fin du monde. Hein. C'est les carottes sont cuites, la fin des haricots, c'est fini d'une certaine manière. Dans les deux cas, l'explication d'ailleurs est à peu près la même. Au XVIIe siècle, n'oublions pas que les carottes, qui étaient des racines, il ne faut pas se tromper, vous lisez souvent dans les textes du XVIIe siècle que les paysans mangent des racines, mais ça fait partie des racines, les carottes en question. Ces carottes sont à la base même de l'alimentation. Et lorsque les temps sont difficiles et qu'il devient impossible de s'approvisionner en viande, il ne reste que les carottes. Et plus la famine va progresser, plus les réserves de légumes s'amenuisent, enfin de racines s'amenuisent, les carottes sont cuites. C'est donc sans doute ce que la mère disait à ses enfants pour les inviter à passer à table. Quant à la fin des haricots, alors, on connaît mieux l'origine de l'expression, puisque ça, c'est une origine liée au pensionnat au XXe siècle. Vous savez, on servait dans les internats des haricots. C'était l'élément le plus consommé, parce qu'il est nourrissant et extrêmement économique, bien entendu. Et quand les finances de l'établissement étaient en grande difficulté, qu'on ne pouvait plus s'approvisionner, eh bien, c'était tout simplement la fin des haricots. Vous voyez donc l'origine quasi famélique de ces deux expressions. Les carottes sont cuites et la fin des haricots, c'est pas du tout le cas ici, je vous rassure, loin de là.